dans le froid ou bien dans le vent, dans les nuits sombres, dans le néant. Dans mes rêves noirs, il n'y a plus d'espoir. Dans les tempêtes, les ouragans qui se déchaînent sur les océans, quand les bateaux se brisent contre les courants. Dans tous ces endroits où tu ne vis pas, dans tous ces endroits où je suis sans toi, dans les glaces usées par le temps, dans les déserts de sable blanc, où la vie n'est que poussière et silence. Dans les abîmes, dans les tourments, je vais, je viens sans savoir comment. Comme ces feuilles d'automne poussées par les vents. Dans tous ces endroits où tu ne vis pas, dans tous ces endroits où je vis sans toi, du haut de mes peines, je vis mais je ne sais pas si un jour la pluie s'arrêtera. Du haut de mes peines, je vis mais je ne crois pas qu'un beau jour le soleil brillera. Jamais meurtrie par tant de guerre et trop de violence. Quand la peur se lie à l'horreur, que ces frissons nous bloquent le cœur, et qu'il ne reste que douleur et désespoir. Dans tous ces endroits où tu ne vis pas, dans tous ces endroits où j'ai mal de toi, du haut de mes peines, je vis mais je ne sais pas si un jour la pluie s'arrêtera. Je vais me jeter.